Cette découverte qu'elle doit pour la première fois dans toute son étendue à M. Singlin, cette veine monstrueuse qui lui a fait toucher au doigt et suivre en ses moindres rameaux, et qui lui paraît maintenant composer à elle seule l'entière substance de son âme, l'épouvante et l'amène jusque sur le bord de la tentation du découragement. Elle appréhende désormais de retrouver l'orgueil en tout, et cette docilité même, qui paraît le seul endroit sain de son âme, lui devient suspecte. Elle craint de n'être docile qu'en apparence, et parce qu'en obéissant on plaît, qu'on regagne par là l'estime qu'on a perdue. Il lui semble, en un mot, voir jusque dans cette docilité son orgueil qui se transforme, s'il faut ainsi dire, en ange de lumière, pour avoir de quoi vivre. Effrayée, elle s'arrête. Elle ne peut que s'écrier à Dieu, face contre terre, à travers de longs silences. Sanamé et sanabor. Mais une lettre de M. Singlin qu'elle reçoit, et qu'elle lit après avoir prié, la console en lui prouvant que ce serviteur de Dieu ne désespère pas d'elle, ni de ses plaies. Je pourrais, si c'était ici le lieu, multiplier les extraits encore, et trahir sans ménagement, dans toute leur subtilité naïve et leur négligence déjà vieillie, ces délicatesses de conscience, d'un esprit naguère si élégant et si superbe, à présent si abaissé et comme abîmé. Elle se connaît dorénavant, elle se décrit et se décompose à nu. Sa description en un endroit tombe juste avec ce qu'en dit Retz, et semble précisément y répondre. On se rappelle cette paresse et cette langueur qu'il nous peint interrompue tout d'un coup chez elle par des réveils de lumière. Voici la traduction chrétienne et moralement rigoureuse de ce trait d'apparence charmante. Encore une fois, je ne demande point pardon pour le négligé du récit. Tout indigne qu'on est, quand on s'est plongé à fond dans ces choses, on se sent tenté plutôt de dire comme Bossuet, parlant du songe de la princesse Palatine, « Je me plais à répéter toutes ces paroles, malgré les oreilles délicates. Elles effacent les discours les plus magnifiques, et je voudrais ne parler plus que ce langage. » Guillemet. En recevant la lettre de M. Singlin, qui m'a paru fort grosse, écrit Mme de Longueville, et qui par là me faisait espérer bien des choses de cette part qui est présentement ce qui m'occupe, je l'ai ouverte rapidement, comme ma nature me porte toujours à mon occupation d'esprit. Comme au contraire, je dis ceci pour me faire connaître, elle me donne une si grande négligence et froideur pour ce qui n'est pas mon occupation présente, qui est toujours forte et unique en moi. Et c'est ce qui me fait croire violente et emportée aux uns, parce qu'ils m'ont vue dans mes passions, ou même dans mes plus petites inclinations et pentes. Et à d'autres, lente et paresseuse, morte même, s'il faut user de ce mot, parce qu'ils ne m'ont pas vue touchée de ce dont je l'ai été, soit en mal, soit en bien. C'est aussi pourquoi l'on m'a défini comme si j'eusse été deux personnes, d'humeur même opposée, ce qui a fait dire quelquefois que j'étais fourbe, quelquefois que j'étais changée d'humeur, ce qui n'était ni l'un ni l'autre, mais ce qui venait des différentes situations où on me trouvait. Car j'étais morte comme la mort à tout ce qui n'était pas dans ma tête, et toute vivante aux moindres parcelles des choses qui me touchaient. J'ai toujours le diminutif de cette humeur, et je ne m'y laisse que trop dominer. Par cette humeur, donc, j'ai ouvert avec rapidité cette lettre. Fin des guillemets. Elle poursuit de la sorte et ajoute bien des aveux sur ses prompts dégoûts, ses mobilités d'humeur, ses brusques sécheresses envers les gens, si elle n'y prenait garde. J'y surprends surtout d'incroyables témoignages de cet esprit, avant tout délié et fin, qui n'a plus à creuser que son propre labyrinthe. Note. Par exemple, dans ce passage qui échappe presque à force de ténuité, à force de dédoublement et de reploiement du cheveu de la pensée. Elle se reproche, en se condamnant elle-même, de désirer tout bas de voir ses condamnations condamnées, et de vouloir découvrir, par cette sorte de provocation détournée, si on n'a pas d'elle quelque peu de bonne opinion. Guillemet. « Je me défigure en partie, dit-elle, pour m'attirer le plaisir de connaître qu'on croit plus de bien de moi, et c'est même un artifice de mon amour-propre et de ma curiosité de me pousser à me dépeindre défectueuse pour savoir au vrai ce que l'on croit de moi et satisfaire par même voie mon orgueil et ma curiosité. Fin des guillemets. Toujours la méthode d'esprit de l'hôtel Rambouillet. C'est l'application seule qui a changé. Reprise. Elle dit en finissant, guillemets, « Il m'est venu encore une pensée sur moi-même. C'est que je suis fort aise, par amour propre, qu'on m'ait ordonné d'écrire tout ceci, parce que sur toute chose, j'aime à m'occuper de moi-même et à en occuper les autres, et que l'amour propre fait qu'on aime mieux parler de soi en mal que de n'en rien dire du tout. J'expose encore cette pensée et la soumets en l'exposant aussi bien que toutes les autres. » Fin des guillemets. Note. M. de La Rochefoucauld aurait eu quelque droit de revendiquer cette pensée comme très voisine d'une des siennes. Guillemets. Ce qui fait, a-t-il dit, que les amants et les maîtresses ne s'ennuient point d'être ensemble, c'est qu'ils parlent toujours d'eux-mêmes. Fin des guillemets. Je me pose une question. Si M. de La Rochefoucauld avait lu cette confession de Mme de Longueville, en aurait-il été touché? Aurait-il changé de jugement sur elle? On en peut douter. Il aurait toujours prétendu y suivre la même nature, s'inquiétant, se raffinant, pour se reprendre à mieux, et persistant sous ses transes. Guillemets. L'orgueil est égal dans tous les hommes, a-t-il dit encore. Il n'y a de différence qu'aux moyens et à la manière de le mettre au jour. Fin des guillemets. Il lui eût fallu avoir en lui le rayon pour le voir en elle comme il y était. Là gît la difficulté, toujours. Reprise. J'ai copie de plusieurs lettres manuscrites de Madame de Longueville, toutes également de scrupules et de troubles, sur quelque action qu'elle croit de source humaine, sur quelque péché oublié, sur une absolution reçue avec une conscience douteuse. Note. Ce sont ces mêmes lettres que M. Cousin a publié récemment au complet dans ses fragments littéraires, 1843. J'en ai fait constamment usage dans ce portrait, mais je n'avais pas jugé que la mémoire de Madame de Longueville dût gagner à une publication complète. M. Cousin, obéissant à un certain entraînement, qui est bien souvent un charme dans un si grand esprit, a pensé tout autrement et ne s'est pas ménagé à le dire. Les verves de ce merveilleux talent, on le sait, de quelque côté qu'elles se portent, ne sont ni rapides ni éloquentes à demi. Il est un seul point sur lequel je lui demanderai la permission de ne pas le suivre. C'est lorsqu'il veut faire, décidément, de Madame de Longueville un esprit fort supérieur pour la trempe à Madame de Lafayette. Malgré toute notre déférence pour ses paroles et notre admiration pour les belles pages, pleines de largeur comme toujours, dont il a fait la bordure de sa publication, nous ne saurions lui concéder un tel jugement. De ce qu'on cite Madame de Longueville dans des moments de pénitence, de ce que l'on ne possède guère Madame de Lafayette que dans des écrits littéraires et romanesques, a-t-on le droit de juger de la qualité de leurs esprits par la différence des sujets? Pour juger de deux femmes, il ne serait pas tout à fait équitable d'aller prendre la plus sérieuse un soir de bal et la plus légère un jour de vendredi saint. Si l'on avait les confessions de Madame de Lafayette à Duguay, ce serait autre chose. Mais on ne peut, sans contredire tous les témoignages du temps, ce me semble, et à ne consulter même que les écrits de ces deux dames un peu de sang-froid, ne pas voir dans Madame de Lafayette un esprit surtout ferme et juste en sa finesse, et dans Madame de Longueville un bel esprit, tendre, subtil, glorieux, intéressant, mais pas du tout de la même trempe. Si j'attache un sens juste à ce mot, c'est cette trempe précisément qui lui aurait manqué. Pardon de cette querelle de détails et presque d'intérieur, mais je tiens fort à ce que ma bonne, ma sage, ma judicieuse et sérieuse Madame de Lafayette conserve toute sa part. Depuis que cette note est écrite, voilà que dans un très piquant morceau sur les femmes illustres du XVIIe siècle, revue des Deux Mondes, 15 janvier 1844, M. Cousin revient avec éloquence, avec passion, sur cette même gracieuse querelle. Il l'étend même cette fois davantage et traite M. de la Rochefoucauld de telle sorte qu'il nous donnerait bien envie de relever le gant, si nous en avions le droit, et si déjà nous n'en avions trop dit. Mais laissons le lecteur agiter lui-même ces agréables débats qui consolent de beaucoup d'autres, et remercions M. Cousin, un si illustre maître, de les raviver par sa puissance. Et remarquez-le bien, en tout ceci encore, c'est le charme de Madame de Longueville qui opère, et qui nous rend tous diversement épris et rivaux autour d'elle. C'est toujours le duel de la place royale qui continue. Faut-il le dire enfin, 1852, le duel, à force de se prolonger, s'est un peu écarté des premiers termes de courtoisie. Ne serait-ce point que l'un des chevaliers, en s'engageant de plus en plus, et se croyant plus favorisé sans doute, a aussi par trop pris des héros de la fronde l'air glorieux et conquérant, de ces airs de triomphe qui n'admettent plus ombre de rivalité et de partage. Reprise. Elle pratiquait la pénitence et la mortification par ses vigilances continuelles et par ses angoisses encore plus que par les cilices. Sur le conseil de M. Singlin, Madame de Longueville s'occupa avant tout d'aumônes et de restitutions dans les provinces ravagées par sa faute durant les guerres civiles. À la mort de M. Singlin, elle passa sous la direction de M. de Sacy. Lorsque celui-ci fut à la Bastille, elle eut M. Marcel, curé de Saint-Jacques, et d'autres également sûrs. Elle écrivait très assidûment au Saint-Évêque d'Alette, Pavillon, et suivait en détail ses réponses comme des oracles. Le duc de Longueville étant mort en mai 1663, elle pouvait courir dorénavant avec moins de retard dans cette voie de pénitence qui la réclamait tout entière. Les troubles seuls de l'Église à cette époque la retenaient encore. Elle fut très active pour Port-Royal dans ces années difficiles. La révision du Nouveau Testament, dit « de Mons », s'acheva dans des conférences qui se tenaient chez elle. À partir de 1666, elle eut caché dans son hôtel Arnaud, Nicole et le docteur Lalanne. On en raconte quelques anecdotes assez vraisemblables, qui durent égayer un peu les longueurs de cette retraite. Arnaud, un jour, y fut attaqué de fièvre. La princesse fit venir le médecin Breyer et lui recommanda d'avoir un soin particulier d'un gentilhomme qui logeait depuis peu chez elle. Car Arnaud avait pris l'habit séculier, la grande perruque, l'épée, tout l'attirail d'un gentilhomme. Breyer monte et, après le pouls tâté, il se met à parler d'un livre nouveau qui fait bruit et qu'on attribue, dit-il, à messieurs de Port-Royal. Les uns le donnent à M. Arnaud, les autres à M. de Sacy, mais je ne le crois pas de ce dernier, il n'écrit pas si bien. À ce mot, Arnaud, oubliant le rôle de son habit et secouant vivement son ample perruque, « Que voulez-vous dire, monsieur ? » s'écrie-t-il. « Mon neveu écrit mieux que moi. » Breyer descendit en riant et dit à Madame de Longueville, « La maladie de votre gentilhomme n'est pas considérable. Je vous conseille cependant de faire en sorte qu'il ne voie personne. Il ne faut pas le laisser parler. » Tel était au vrai, dans son ingénuité, le grand comploteur et chef de parti, Arnaud. On voit dans les fragments, à la suite de l'histoire de Port-Royal par Racine, que Nicole était plus au goût de Madame de Longueville qu'Arnaud, comme plus poli en effet, plus attentif. Dans les entretiens du soir, le bon Arnaud, près de s'endormir au coin du feu, et rentrant tête baissée dans l'égalité chrétienne, défaisait tout doucement ses jarretières devant elle, ce qui la faisait un peu souffrir. Nicole avait plus d'usage. On dit pourtant qu'un jour, par distraction, il posa en entrant son chapeau, ses gants, sa canne et son manchon sur le lit de la princesse. Tout cela, pour elle, faisait partie de sa pénitence. Elle contribua autant qu'aucun prélat à la paix de l'Église. Ces négociations croisées, si souvent renouées et rompues, leur activité secrète, et le centre où elle était, recommençaient pour elle la seule fronde permise, et lui en rendaient quelques émotions à bonne fin et en toute sûreté de conscience. En apprenant un matin vers 1663, l'une des ruptures qu'on imputait aux jésuites, elle disait avec son tour d'esprit, j'ai été assez simple pour croire que les révérends pères agissaient sincèrement. Il est vrai que je n'y croyais que d'hier au soir. » Enfin, des négociations sérieuses s'engagèrent. M. de Gondrin, archevêque de Sens, concertait tout avec elle. Elle écrivit au pape pour justifier les accusés et garantir leur foi. Elle écrivit au secrétaire d'État, le cardinal Azolin, pour l'intéresser à la conclusion. Avec la princesse de Conti, elle mérita d'être saluée une mère de l'Église. La paix faite, elle fit bâtir à Port-Royal des Champs un corps de logis ou petit hôtel qui communiquait par une galerie avec une tribune de l'Église. À partir de 1672, elle se partagea entre ce séjour et celui de ses fidèles carmélites du faubourg Saint-Jacques, chez lesquels elle avait déjà un logement. Des épreuves bien douloureuses du dehors achevèrent de la pousser vers ces deux asiles, où elle allait être si ardente à se consumer. La perte d'abord de sa belle-sœur, la princesse de Conti, l'imbécillité et la mauvaise conduite de son fils aîné, le comte de Dunois, la mort surtout de son fils chéri, le comte de Saint-Paul. Elle ne quitta tout à fait l'hôtel de Longueville qu'après cette dernière mort si cruelle, et qui nous est tant connue par l'admirable lettre de Madame de Sévigné. Le jeune M. de Longueville fut tué, on le sait, un moment après le passage du Rhin, en se jetant, par un coup de valeur imprudente, dans un gros d'ennemis qui fuyaient, et avec lui périrent une foule de gentilshommes. Il fallait annoncer ce malheur à Madame de Longueville. De peur de rester trop incomplet, nous répétons ici la page immortelle. « Mademoiselle de Vertu, écrit Madame de Sévigné, 20 juin 1672, était retournée depuis 2 jours à Port-Royal, où elle est presque toujours. On est allé la quérir avec M. Arnaud pour dire cette terrible nouvelle. Mademoiselle de Vertu n'avait qu'à se montrer. Ce retour si précipité marquait bien quelque chose de funeste. En effet, dès qu'elle parut, « Ah, mademoiselle, comment se porte monsieur mon frère ?» le grand Condé. Sa pensée n'osa aller plus loin. « Madame, il se porte bien de sa blessure. Il y a eu un combat, et mon fils ?» On ne lui répondit rien. « Ah, mademoiselle, mon fils, mon cher enfant, répondez-moi, est-il mort ?»« Madame, je n'ai point de parole pour vous répondre. »« Ah, mon cher fils, est-il mort sur le champ ? N'a-t-il pas eu un seul moment ?»« Ah, mon Dieu, quel sacrifice !» Et là-dessus, elle tomba sur son lit. Et tout ce que la plus vive douleur peut faire, et par des convulsions, et par des évanouissements, et par un silence mortel, et par des cris étouffés, et par des larmes amères, et par des élans vers le ciel, et par des plaintes tendres et pitoyables. Elle a tout éprouvé. Elle voit certaines gens, elle prend des bouillons, parce que Dieu le veut. Elle n'a aucun repos. Sa santé est déjà très mauvaise et visiblement altérée. Pour moi, je lui souhaite la mort, ne comprenant pas qu'elle puisse vivre après une pareille perte. Et 7 jours après cette lettre, 27 juin, j'ai vu enfin Madame de Longueville. Le hasard me plaça près de son lit. Elle m'en fit approcher encore davantage et me parla la première, car pour moi je ne sais point de parole dans une telle occasion. Elle me dit qu'elle ne doutait pas qu'elle ne m'eût fait pitié, que rien ne manquait à son malheur. Elle me parla de Madame de Lafayette, de M. d'Acqueville, comme de ceux qui la plaindraient le plus. Elle me parla de mon fils et de l'amitié que son fils avait pour lui. Je ne vous dis point mes réponses. Elles furent comme elles devaient être, et, de bonne foi, j'étais si touchée que je ne pouvais pas mal dire. La foule me chassa. Mais, enfin, la circonstance de la paix est une sorte d'amertume qui me blesse jusqu'au cœur quand je me mets à sa place. Quand je me tiens à la mienne, j'en loue Dieu, puisse qu'elle conserve mon pauvre Sévigné et tous nos amis. on découvrit bientôt, un peu complaisamment peut-être, qu'avant de partir pour la guerre, M. de Longueville s'était converti en secret, qu'il avait fait une confession générale, que messieurs de Port-Royal avaient mené cela, qu'il répandait d'immenses aumônes. Enfin que, nonobstant ses maîtresses et un fils naturel qu'il avait, il était quasi un saint. Ce fut une sorte de douceur dernière et bien permise, à laquelle son inconsolable mère fut crédule. Aussitôt ce premier flot de condoléances essuyé, Madame de Longueville alla à Port-Royal des Champs, où sa demeure était prête, et elle y redoubla de solitude. Elle en sortait de temps en temps et revenait faire des séjours aux Carmélites, où elle voyait successivement passer comme un convoi des grandeurs du siècle, Madame de la Vallière y prendre le voile, et peu après arriver le cœur de Turenne, ce cœur qu'hélas, elle avait un jour troublé. Ses austérités, jointes à ses peines d'esprit, hâtèrent sa fin. Un changement s'opéra dans sa dernière maladie, et elle entra dans l'avant-goût du calme. Elle mourut aux Carmélites, le 15 avril 1679, âgée de 59 ans et 7 mois. Son corps fut enterré en ce couvent même, ses entrailles à Saint-Jacques-du-Haut-Pas, son cœur alla à Port-Royal. Un mois après sa mort, l'archevêque de Paris, M. de Harlay, se rendit en personne à cette abbaye pour signifier, par ordre du roi aux religieuses, de renvoyer leurs pensionnaires et leurs postulantes et pour leur défendre d'en recevoir à l'avenir. On n'attendait que la mort de cette princesse pour commencer le blocus final, où le célèbre monastère devait succomber. Il n'y avait plus de palladium dans Ilion. L'oraison funèbre de Madame de Longueville fut prononcée un an après sa mort, non point par Bossuet, je l'ai regretté, mais par l'évêque d'Autun, Roquette, le même qu'on suppose n'avoir pas été étranger à l'idée du Tartuffe, et duquel encore on a dit que les sermons qu'il prêchait étaient bien à lui, puisqu'il les achetait. Madame de Sévigné, lettre du 12 avril 1680, loue d'étrange sorte, et non sans de vives pointes d'ironie, cette oraison funèbre qu'on ne permit pas même d'imprimer. Ce qui était plus éloquent que les phrases de M. d'Autun, c'était à cet anniversaire de Madame de Longueville, Mesdemoiselles de La Rochefoucauld qui pleuraient leur père. C'était Madame de Lafayette, qu'au sortir de la cérémonie, Madame de Sévigné visitait et trouvait en larmes, car Madame de Longueville et M. de La Rochefoucauld étaient morts dans la même année. Il y avait bien à rêver sur ces deux noms. Nos dignes historiens de Port-Royal ont dit bien des banalités et des petitesses sur Madame de Longueville. Cette qualité d'altesse sérénissime les éblouissait. Quand ils parlent d'elle, ou de Mademoiselle de Vertu, ou de M. de Pontchâteau, ils ne tarissent plus, et dans l'uniformité de leurs louanges, dans la plénitude bien légitime de leur reconnaissance, il ne leur faut pas demander le discernement des caractères. On voit par un petit fragment qui suit l'abrégé de Racine et qu'il n'a pas eu le temps de fondre, de dissimuler dans son récit que si Madame de Longueville avait gardé jusqu'aux dernières années la grâce, la finesse, et comme dit Bossuet de ces personnes revenues du monde, l'insinuation dans les entretiens, elle avait gardé aussi les prompts chatouillements, les dégoûts, les excès d'ombrage. Elle était quelquefois jalouse de Mademoiselle de Vertu, qui était plus égale et plus attirante. Enfin, pourquoi s'étonner ? Jusque dans le froid abri des cloîtres, jusque sur les dalles funéraires où elle se collait le visage, elle s'était emportée elle-même. Eh bien, qu'en une sphère plus épurée, c'étaient les mêmes ennemis, toujours, et la continuation secrète des mêmes combats. La vraie couronne de Madame de Longueville en ces années, celle qu'il faut d'autant plus révérer en elle qu'elle ne l'apercevait pas, qu'elle la couvrait comme de ses deux mains, qu'elle l'abaissait et la cachait contre le parvis, c'est la couronne d'humilité. Voilà sa gloire chrétienne, que les inévitables défauts ne doivent pas obscurcir. On en rapporte des traits touchants. Elle avait ses ennemis, ses envieux, des mots blessants ou même insultants lui arrivaient. Elle souffrait tout, et elle disait à Dieu « Frappe encore !» Un jour, allant en chaise des Carmélites à Saint-Jacques du Haut-Pas, elle fut abordée par un officier qui lui demanda je ne sais quelle grâce. Elle répondit qu'elle ne le pouvait, et cet homme, là-dessus, s'emporta aux termes les plus insolents. Ses gens allaient se jeter sur lui. « Arrêtez !» leur cria-t-elle, « qu'on ne lui fasse rien. J'en mérite bien d'autres. » Si j'indique, à côté de ce grand trait principal d'humilité, les autres petitesses persistantes, c'est donc bien moins pour infirmer une pénitence si profonde et si sincère que pour trahir jusqu'au bout les secrètes misères obstinées et les faux fuyants de ces élégantes natures. Note. Dans la riche correspondance manuscrite que possède la bibliothèque de Troyes, je trouve nombre de lettres de M. de Pontchâteau à la duchesse d'Épernon, sa sœur, dans lesquelles il est question de Madame de Longueville. M. de Pontchâteau, pénitent à Port-Royal, voudrait bien y amener sa sœur déjà retirée au Val-de-Grâce. L'exemple de Madame de Longueville revient souvent. Guillemets. Madame de Longueville n'a que deux laquais. Ne serait-ce pas assez pour vous, car lorsque vous êtes au Val-de-Grâce, qu'est-ce que tous vos gens font dans votre maison ? Fin des guillemets. Mais je citerai plutôt quelques extraits de lettres sur la mort de notre pénitente. On y retrouve surtout ce trait d'humilité que nous avons signalé. Pour qui connaît la rigueur de M. de Pontchâteau, le moindre mot d'éloge dans sa bouche a tout son prix. 17 avril 1679. Guillemets. Voilà donc Madame de Longueville partie pour ce grand voyage de l'éternité d'où l'on ne revient jamais. Des morts de cette nature, des personnes qui tiennent un grand rang parmi le monde, et surtout lorsque nous y avons quelques rapports, nous frappent dans le moment. Mais l'impression s'en efface bientôt, et nous ne tâchons pas même d'ordinaire à la retenir. On ne va pas parler d'autre chose durant quelque temps. Je la crois heureuse, et que Dieu lui aura fait miséricorde. Elle aimait beaucoup l'Église et les pauvres, qui sont les deux objets de notre charité sur la terre, et je me souviens d'avoir vu quantité de ses lettres dans les commencements de sa conversion, qui étaient remplies de sentiments fort pénitents et fort humbles. Elle les avait encore, et les peines qu'elle avait supportées depuis un an lui auront servi de pénitence. Fin des guillemets. Et dans une lettre du 22 avril 1679, guillemets, je n'aime pas les exagérations, mais il faut avouer de bonne foi qu'il y a eu des choses assez singulières dans la pénitence de Madame de Longueville, et pour le corps et pour l'esprit. Car il est certain que, dans les commencements de sa pénitence, il lui était fort ordinaire de coucher sur la dure, prendre la discipline, porter une ceinture de fer. Et pour ce qui est de l'esprit, je sais ce que peu de personnes savent sur cela, qui était bien humiliant pour une personne comme elle. Ce n'est pas que je voulusse la faire passer pour une sainte qui est allée jouir de Dieu au sortir de ce monde. Tout ce qui se passe dans l'autre nous est caché. Mais il est vrai qu'on verra peu de gens de cette qualité embrasser un genre de vie comme le sien, et demeurer ferme jusqu'au bout dans les grandes vérités de la religion, dans un grand mépris de soi-même, ce qui paraissait jusque dans ses habits et dans une uniformité pour ses devoirs essentiels comme elle l'a toujours témoigné. Il y avait des faiblesses, qui n'en a point. Elle les voyait et en gémissait. C'est presque tout ce que Dieu demande de nous. On peut excéder en la louant, et il est si naturel de se chercher soi-même quand on loue les autres. Parce qu'il est aisé que nous nous regardions là-dedans, que le meilleur est de peu louer et d'attendre ce grand jour auquel Dieu ne rend pas seulement à chacun selon ses œuvres, mais où il louera lui-même ses saints. Fin des guillemets. Cette lettre de M. de Pontchâteau, dans sa naïveté et sa discrétion, est la plus digne oraison funèbre. Reprise. Le Montais, dans une notice spirituelle, mais sèche et légère, n'a pas craint de l'appeler une âme théâtrale et vaine. Qui oserait, après avoir assisté avec nous de près à sa pénitence, l'appeler autrement qu'une pauvre âme délicate et angoissée ? Nicole, cet esprit si délicat aussi, et qui la fréquenta si longtemps, l'a très bien jugée. Il avait toujours été fort en accord avec elle. Elle trouvait qu'il avait raison dans toutes les petites querelles de Port-Royal. Il disait agréablement qu'elle morte, il avait baissé de beaucoup en considération. « J'y ai même perdu, disait-il, mon abbaye, car on ne m'appelle plus Monsieur l'abbé Nicole, mais Monsieur Nicole, tout simplement. » Au tome 12 des ouvrages de morale et de politique de l'abbé de Saint-Pierre, on trouve sur le genre d'esprit et la qualité intellectuelle de Madame de Longueville ce témoignage assez particulier qu'on n'aurait guère l'idée d'aller chercher là, et dont l'espèce de bizarrerie n'est pas sans piquant. Note, je supprime la singulière orthographe de l'abbé de Saint-Pierre, il y aura assez d'algèbre sans cela. Guillemets. Je demande un jour à Monsieur Nicole quel était le caractère d'esprit de Madame de Longueville. Il me dit qu'elle avait l'esprit très fin et très délicat sur la connaissance des caractères des personnes, mais qu'il était très petit, très faible, et qu'elle était très bornée sur les matières de science et de raisonnement, et sur toutes les choses spéculatives dans lesquelles il ne s'agissait point de sujets de sentiment. Par exemple, ajouta-t-il, je lui dis un jour que je pouvais parier et démontrer qu'il y avait dans Paris au moins 2 habitants qui avaient même nombre de cheveux, quoique je ne puisse pas marquer quels sont ces 2 hommes. Elle me dit que je ne pouvais jamais en être assurée qu'après avoir compté les cheveux de ces 2 hommes. Voici ma démonstration, lui dis-je. Je pose en fait que la tête la mieux garnie de cheveux n'en possède pas 200 000 et que la tête la moins garnie, c'est celle qui n'a qu'un cheveu. Si maintenant vous supposez que 200 000 têtes ont toutes un nombre de cheveux différents, il faut qu'elles aient chacune un des nombres de cheveux qui sont depuis 1 jusqu'à 200 000. Car si l'on suppose qu'il y en avait 2 parmi ces 200 000 qui eussent même nombre de cheveux, j'aurais gagné le pari. Or, supposant que ces 200 000 habitants ont tous un nombre différent de cheveux, si j'y apporte un seul habitant de plus qui ait des cheveux et qui n'en ait pas plus de 200 000, il faut nécessairement que ce nombre de cheveux, quel qu'il soit, se trouve depuis 1 jusqu'à 200 000, et par conséquent soit égal au nombre de cheveux d'une de ces 200 000 têtes. Or, comme au lieu d'un habitant en sus des 200 000, il y en a en tout près de 800 000 habitants dans Paris, vous voyez bien qu'il faut qu'il y ait beaucoup de têtes égales en nombre de cheveux, quoique je ne les ai pas comptées. Madame de Longueville ne put jamais comprendre que l'on pût faire une démonstration de cette égalité de cheveux, et soutint toujours que la seule voie de la démontrer était de les compter. Fin des guillemets. Ceci nous prouve que Madame de Longueville, qui avait tant de rapports en délicatesse et démangeaisons d'esprit avec Madame de Sablé, était bien différente d'elle en ce point. Madame de Sablé aimait et suivait les dissertations, et en était bon juge. Mais Arnaud n'aurait pas eu l'idée de faire lire la logique de Port-Royal à Madame de Longueville pour la divertir et tirer d'elle un avis compétent. Elle était proprement de ces esprits fins que Pascal oppose aux esprits géométriques, de ces esprits fins qui ne sont que fins qui, étant accoutumés à juger les choses d'une seule et prompte vue, se rebutent vite d'un détail de définition en apparence stérile, et ne peuvent avoir la patience de descendre jusqu'au premier principe des choses spéculatives et d'imagination qu'ils n'ont jamais vues dans le monde et dans l'usage. Mais, géométrie à part, l'usage même, le monde et son coup d'œil, sa finesse et ses élégances, le sang de princesse dans toutes les veines, une âme féminine dans tous ses replis, cette vocation, ce point d'honneur de plaire qui est déjà une victoire, de belles passions, de grands malheurs, une auréole de sainte en mourant, l'entrelacement suprême autour d'elle, de tous ses noms accomplis, de Condé, de la Rochefoucauld et de Port-Royal. Cela suffit à composer à Madame de Longueville une distinction durable et lui assure dans la mémoire française une part bien flatteuse que nul renom d'héroïne ne surpasse, que nulle gloire, même de femme supérieure, n'effacera. Que dirais-je encore? Si du sein du monde sérieux où elle est entrée, elle pouvait sourire à l'effet, au charme de son nom seul sur ceux qui la jugent, elle y sourirait. 1er août 1840. Post-scriptum. Depuis que ce portrait est écrit, il m'est tombé entre les mains une agréable pièce à l'appui que je tire d'un manuscrit janséniste, Bibliothèque du Roi, supplément français 1485. Caractère de Madame de Longueville. Guillemet. C'était une chose à étudier que la manière dont Madame de Longueville conversait avec le monde. On y pouvait remarquer ses qualités également estimables, selon Dieu et selon le monde. Elle ne médisait jamais de personne, et elle témoignait toujours quelque peine quand on parlait librement des défauts des autres, quoique avec vérité. Elle ne disait jamais rien à son avantage, cela était sans exception. Elle prenait autant qu'elle pouvait, sans affectation, toutes les occasions qu'elle trouvait de s'humilier. Elle disait si bien tout ce qu'elle disait qu'il aurait été difficile de le mieux dire, quelque étude qu'on y apportât. Il y avait plus de choses vives et rares dans ce que disait M. de Tréville, mais il y avait plus de délicatesse et autant d'esprit et de bon sens dans la manière dont Mme de Longueville s'exprimait. Mais il y avait plus de délicatesse et autant d'esprit et de bon sens dans la manière dont Mme de Longueville s'exprimait. Elle parlait sensément, modestement, charitablement et sans passion. On ne remarquait jamais dans ses discours de mauvais raisonnements. Elle écoutait beaucoup, n'interrompait jamais et ne témoignait point d'empressement de parler. L'air qui lui revenait le moins était l'air décisif et scientifique, et je sais des personnes très estimables d'ailleurs qu'elle n'a jamais goûté parce qu'elles avaient quelque chose de cet air. C'était au contraire faire sa cour auprès d'elle que de parler de tout le monde avec équité et sans passion, et d'estimer en eux tout ce qu'ils pouvaient avoir de bon. Enfin, tout son extérieur, sa voix, son visage, ses gestes étaient une musique parfaite. Et son esprit et son corps la servaient si bien pour exprimer tout ce qu'elle voulait faire entendre que c'était la plus parfaite actrice du monde. Cependant, quoique je sois persuadée qu'elle était un excellent modèle d'une conversation sage, chrétienne et agréable, je ne laisse pas de croire que l'état d'une personne qui n'aurait rien de tout cela et qui serait sans esprit et sans agrément, mais qui saurait bien se passer de la conversation du monde et se tenir en silence devant Dieu en s'occupant de quelque petit travail est beaucoup plus heureux et plus souhaitable que celui-là, parce qu'il est moins exposé à la vanité et moins tenté par le spectacle des jugements favorables qu'on attire par ses belles qualités. Fin des guillemets. La fin de ce portrait est peut-être de trop pour nous autres jansénistes mondains et qui ne faisons pas fi de l'agrément, même chez Madame de Longueville convertie. Mais quel charmant et sérieux exemple de la maîtresse de maison, chrétienne rigoureuse et pourtant aimable. Ce petit portrait pourrait bien être de Nicole. On sait en effet qu'il trouvait à M. de Tréville plus d'esprit qu'à Pascal même. Ici on lui accorde plus de traits qu'à Madame de Longueville. Quelle fleur de janséniste cela devait faire! Une femme d'esprit me faisait remarquer que ce monsieur de Tréville était le monsieur Joubert du beau temps du jansénisme. Ce sont d'heureux hommes que ceux qui vivent ainsi grands hommes pour tous leurs amis et que tous les autres ignorent. Si complet que puisse sembler ce portrait de Madame de Longueville, les lecteurs qui n'en auraient pas assez pourront chercher dans l'édition de 1867 de mon Port-Royal, au tome 5, page 123-139, et aussi dans l'appendice du tome 4, page 591-593. Ils auront épuisé tout ce que j'ai su trouver et dire.